Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la guerre d'indépendance américaine. Nous attendons de Philadelphie une déclaration d'indépendance. 8 colonies sur les 13 ont levé une contribution pour soutenir l'armée continentale. Je souhaite que la Caroline du Sud soit la 9e. Le Massachusetts et la Virginie sont peut-être en guerre, mais la Caroline du Sud ne l'est pas. Très juste. Il ne s'agit pas d'une guerre pour l'indépendance d'une ou deux colonies, mais pour l'indépendance d'une nation. Cet extrait du film « Le Patriote » réalisé par Roland Emmerich en 2000 illustre bien le contexte qui précède la déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776. La Caroline du Sud, dont il est question dans cet extrait, fait partie des colonies de la côte Est qui vont d'abord hésiter avant de finalement accepter de participer à la guerre d'indépendance et par le fait même à ce qu'on va appeler la Révolution américaine. Pendant tout un moment, les Américains, que ce soit de la Virginie ou que ce soit du Massachusetts ou d'ailleurs, sont plus anglais que les Anglais, en fait. Et d'ailleurs, ils participent aux côtés des Anglais à la guerre de 7 ans, ou la guerre qu'on appelle aux États-Unis le French and Indian War. Et c'est à partir de là que vous, le Canada, commencez à exister, n'est-ce pas? Et les Américains, donc, prennent parti à cette guerre. Et lorsque la guerre est terminée, donc, en 1763, du coup, l'Angleterre se trouve maître d'un empire qu'elle n'avait pas cherché. Et du coup, elle commencera à réglementer cet empire d'une part, et d'autre part, elle commencera à imposer des taxes sur les colonistes pour justement payer la dette encourue lors de la guerre. Que du coup, les coloniaux vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on veut vivre libre. Et c'est à partir de là que naît la Révolution américaine. Elle naît lentement. Personne n'est révolutionnaire en 1763. Mais déjà, lorsque les Anglais commencent à imposer de taxes et de nouvelles mesures fiscales, réglementations, etc., on se rebiffe. Sur la pièce Yankee Doodle, une musique qui est étroitement associée à la guerre d'indépendance américaine, vous entendiez le politologue Dick Howard à l'émission Au fil du temps en 1988 pour nous raconter cette guerre d'indépendance américaine, pour nous parler également du contexte qui va y conduire. Je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Alors, ça paraît naïf comme question, mais quand même, quelle importance elle a, cette guerre d'indépendance américaine, qu'on appelle aussi la Révolution américaine? Effectivement, c'est une guerre qui mène à l'indépendance. C'est une victoire de l'armée continentale qu'on verra plus nuancée que ce qui est représenté généralement. Mais c'est aussi une révolution. Mais une révolution, somme toute, limitée. L'ordre social aux États-Unis et politique n'est pas changé. Les élites restent en place. On ne touche pas à l'esclavage. Et cette révolution qui, aux États-Unis, est peut-être limitée, se donne par contre une portée universelle et va inspirer tout un cycle révolutionnaire qui va toucher jusqu'au Bas-Canada avec les rébellions des patriotes qui vont beaucoup s'inspirer de cette révolution américaine. Donc, la Révolution française va arriver après la Révolution américaine aussi. On l'oublie ça, mais c'est la première, grande révolution de cette époque. Là. Exactement, exactement. Ouais. Et pour les Américains, c'est évidemment leur mythe fondateur. Hein. C'est ce qui fonde la nation américaine. Et à ce titre-là, ben, c'est souvent représenté de manière un peu clichée ou caricaturale, avec une nation qui se lève dans l'unisson, toute debout, et qui bat l'armée la plus puissante du monde de manière très surprenante. Évidemment, la réalité est beaucoup plus nuancée. On l'a déjà dit, la révolution est, somme toute, assez timide, très limitée. Et même dans la guerre, en fait, l'armée continentale a peu le dessus dans les batailles majeures sur l'armée britannique. Et donc, c'est d'autres facteurs qui vont venir jouer, qui vont faire en sorte que cette nation-là va devenir indépendante. Donc, ce n'est pas la grande victoire militaire qu'on veut bien imaginer aux États-Unis aujourd'hui. Là. Non. En fait, ce n'est pas sur le champ de bataille. On pourrait même dire ça, Mylène Desautels. Ce n'est pas sur le champ de bataille que cette guerre-là va être gagnée. Disons, en partie, oui, parce qu'il y a quand même quelques victoires clés qui vont vraiment pousser les Américains vers la victoire, mais c'est pas que militaire, cette victoire-là des Américains. Et c'est l'autre beaucoup aspect, à Londres que ça va se jouer. Effectivement, Londres, au final, abandonne un peu cette guerre-là suite à des pressions de marchands londoniens. On y reviendra. Mais aussi, aux États-Unis, l'autre aspect qui contraste un peu avec la vision qu'on a de cette guerre-là, c'est que l'appui de la population coloniale est assez mitigé. Oui. On l'entend dans l'extrait, hein, la Caroline du Sud hésite à embarquer. Il y a plusieurs colonies comme ça qui ont hésité. Et au sein de la population, ce n'est pas du tout l'appui unanime qu'on représente parfois dans des tableaux, dans des films, etc., comme l'histoire populaire voudrait nous le faire croire. Nous tenons ces vérités pour évidentes en elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. L'histoire de celui qui règne aujourd'hui sur la Grande-Bretagne est une histoire d'injustice et d'usurpation répétée, ayant toute pour direct objet l'établissement d'une tyrannie absolue sur nos États. En conséquence, nous, représentants des États-Unis d'Amérique, réunis en congrès plénier, prenant le juge suprême du monde à témoin de la droiture de nos intentions, au nom et par délégation du bon peuple de ces colonies, affirmons et déclarons solennellement que ces colonies unies sont et doivent être en droit des États libres et indépendants. La comédienne Sophie Fauché lisant un extrait de la Déclaration d'indépendance américaine à l'émission Multimédia en 1999. Au moment de cette fameuse déclaration du 4 juillet 1776, le peuple américain est très, très loin dans la réalité, Mylène Desautels, de son indépendance. Ça va venir en fait au terme de la guerre d'indépendance en 1783. Que représente donc, dans ce contexte-là, cette déclaration de 1776 et comment on arrive à cette déclaration-là? En fait, cette déclaration de 1776, 10 ans plus tôt, on aurait à peine pu la prévoir. Le sentiment indépendantiste aux États-Unis s'est développé à la vitesse de l'éclair. Quand les Américains gagnent la guerre avec les Britanniques contre la colonie de la Nouvelle-France, la French and Indian War, les colonies américaines sont des alliés des Britanniques. Ouais. Mais c'est la réaction des Britanniques suite à cette victoire-là qui va vouloir premièrement, rembourser sa dette. Elle a mis le paquet pour pouvoir remporter la victoire contre la France. Elle est très endettée et donc va vouloir faire participer les colonies à l'effort de redressement financier. Et en plus, elle veut contrôler les nouvelles terres qu'elle a acquises au terme de la guerre, ce qu'elle va transformer non pas en des extensions des 13 colonies, les colonies auraient voulu ça, la population déborde à l'est des Appalaches. Au contraire, la Grande-Bretagne va transformer ça en Indian Land, dont elle a le contrôle. Alors, double frustration pour les colons américains. Et le symbole de ces frustrations-là seront les taxes qui vont être imposées sur les colons américains. Et il y aura une réaction très rapide face à ces taxes-là. Il y en a plusieurs, le Sugar Act, le Stamp Act, etc. Et très rapidement, on sort des slogans comme « No taxation without representation ». Mm-hmm. On n'est pas à Londres, on n'a pas à venir nous taxer comme ça. Et très rapidement aussi, les colons vont s'emparer du mot « liberty ». Oui. C'est vraiment le mot emblématique de ce qui se passe. Pour eux, le roi George III coupe leur liberté. On fait même des funérailles publiques à la liberté dans un cercueil. Il y a un arbre de la liberté à Boston qui devient un peu le symbole de la lutte des colons américains. Les Fils de la liberté qui vont naître. Les Fils de la liberté. Mais tout ça juste avant la déclaration de 1776. Ça se passe sur 10 ans, de 1764 à 1774. Donc, en 10 ans, ce sentiment là que la couronne britannique coupe la liberté des colons américains se développe vraiment très rapidement. Et l'argumentaire qui va avec aussi, qui aboutit à la Déclaration d'indépendance, c'est un texte politique formidable. Cet argumentaire-là est développé très rapidement, inspiré de la philosophie des Lumières du 18e siècle. Mais cette déclaration-là, c'est au fond symboliquement très fort. C'est la volonté des Américains de devenir indépendants qui est proclamé en 1776, mais encore une fois, ce n'est que le début. L'indépendance, elle est à faire. Il faut d'abord passer par cette guerre qui va durer presque 10 ans. Exactement. Puis la guerre commence même avant la Déclaration d'indépendance. On a toujours l'impression que la guerre commence en 1776, mais en fait, le roi George III, dès les congrès continentaux qui réunissaient les colonies, avait déclaré les colonies en état de rébellion ouverte. Et donc, le roi montre une inflexibilité qui va jouer un peu un rôle de provocation, qui va mener à cette déclaration d'indépendance. Mais les escarmouches entre la milice, les milices coloniales, il n'y a pas encore d'armée coloniale, et l'armée britannique ont déjà commencé en 1775, donc un an avant la déclaration d'indépendance. Puis en fait, c'est difficile de dire à partir de quand précisément, mais il y a comme un consensus autour de la bataille de Lexington en avril 1775, qui serait le début de tout ça. Mais écoutez, ce qui suit vraiment, toute cette année 1775 déjà annonce vraiment cette guerre-là qui va durer donc quelques années. C'est le printemps chaud de 1775. Dans le Massachusetts, les miliciens attaquent les forts occupés par les Anglais, comme ici, à Ticonderoga. Attaquant de nuit, les miliciens ont surpris la garnison anglaise et se sont emparés du fort et de ses canons. En avril, à Lexington, accrochage, 8 Américains tués. Sur le chemin du retour à Concord, embuscade, 200 Anglais hors de combat. En juin, à Bunker Hill, première bataille rangée, 1000 soldats du roi hors de combat sur les 2300 engagés. Les Anglais restent maîtres de Boston, mais maintenant c'est la guerre. Les coloniaux sont devenus les rebelles. Ce fut aussi de la Virginie que vint l'initiative de convoquer un congrès annuel rassemblant toutes les colonies. Ce congrès eut lieu à Philadelphie le 5 septembre 1774 et, très conscient de l'importance du moment, vota immédiatement deux mesures capitales pour l'avenir de l'indépendance des colonies. La première fut d'interdire tout commerce entre l'Angleterre, les colonies et les possessions anglaises dans les Antilles. La deuxième mesure fut d'appuyer de toutes ses forces la position politique prise par le Massachusetts et de préciser que si jamais la force était employée contre eux, le Massachusetts, c'était le devoir de toutes les colonies de venir à son aide. Donc, dès 1775, on l'entend bien dans cet extrait, Mélène des Hôtels, quoi, à peu près un an, un peu plus d'un an avant la déclaration d'indépendance de 1776, sur le terrain commencent les escarmouches et cette guerre, en fait, cette guerre d'indépendance. Pourquoi cette bataille de Lexington en avril 1775 est si importante et souvent considérée comme le vrai point de départ de cette guerre d'indépendance? Bien, c'est le premier escarmouche officiel entre les milices, parce qu'on n'a pas encore d'armée continentale et l'armée britannique. Et l'armée britannique, en fait, doit se retirer. Donc, c'est une espèce de défaite hein, de l'armée britannique avec certains morts. Et il doit l'armée se replie sur Boston et il y aura même un siège de la ville de Boston. Et ça montre bien qu'ils ont de la misère à dépasser les villes. Et suite à cet accrochage-là et cette petite victoire, disons, des milices du Massachusetts, le deuxième congrès continental se réunit à Philadelphie en mai 75 et c'est là que la décision de former une réelle armée continentale et non plus seulement des milices colonie par colonie qui se défendent pour vraiment aller jusqu'au bout et on décide aussi de la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Donc cette bataille-là provoque cette décision-là à la fois l'indépendance déclarée et à la fois former une armée continentale qui va venir être plus efficace que des milices colonie par colonie. Et l'un des premiers gestes de cette armée continentale, ça nous touche, ce sera l'invasion de ce qu'on appelle la province of Québec à l'époque. On écoute à nouveau un extrait de l'émission française Les grandes batailles du passé, dans lequel l'historien Jacques Lacourcière raconte justement cet épisode canadien de la guerre d'indépendance américaine. L'invasion se décide effectivement en mai 75. Là, on décide de faire un genre de fourche pour envahir le Québec. Montgomery va descendre la vallée du Richelieu, et puis Bénédicte Arnold, lui, va remonter la Kennebec, descendre la Chaudière et arriver à Québec. Donc, à ce moment-là, après ça, on va faire la jonction et s'emparer de tout le Canada. Montgomery, ça va bien. Il réussit à s'emparer du Fort Saint-Jean après 45 jours de siège. Au mois de novembre, il est à Montréal, et là, Montréal capitule. Arnold, lui, a réussi à remonter la Kennebec et à descendre la Chaudière, mais avec énormément de misère. Il fait ça à la fin de l'hiver et au printemps. Il manque de nourriture. Ah, comme on manquait de nourriture, on a pris les pantalons, on les a coupés en lanières, on les a fait bouillir, puis on les a mangés. Là, la jonction se fait à Québec au début de décembre 75. Là, Montgomery avait dit, moi, pour le début de l'année, où je mange à Québec, où je mange en enfer. Effectivement, il va manger en enfer parce qu'au cours de la bataille, il est tué. Et Arnold est blessé. Là, on continue à faire le siège de Québec parce qu'on se dit, lorsque la navigation va ouvrir, Si le premier navire qui arrive est un bateau américain, donc on est correct, on conquiert le Canada. Si le premier bateau qui arrive est un bateau anglais, là, il faut partir. Et au début de mai, arrive un vaisseau. Et le navire s'appelle Surprise. Et la surprise, c'est pour les Américains. Parce que le navire, c'est un navire anglais. Et là, les armées américaines doivent se retirer. Quelle est la logique de ce détour vers le nord, Mylène Desautels? Pourquoi c'est l'une des premières décisions de l'armée continentale d'essayer de prendre la province de Québec? Pourquoi? Bien, premièrement, pour essayer de convaincre les Canadiens français, nouvellement britanniques depuis à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans, de se joindre aux forces continentales américaines. Et on va dépêcher non seulement l'armée, Montréal en fait n'est pas défendu, le commandement britannique se replie sur Québec et il y a l'occupation de l'armée américaine à Montréal. Hein, événement qui est très peu rappelé dans notre ville. Et surtout, on dépêche un diplomate qui est déjà très renommé, qui est un des pères fondateurs, Benjamin Franklin, qui arrive ici avec un imprimeur qui fleurit Mesplet, qui amène sa presse, parce qu'il n'y a pas de presse encore, il n'y a pas de journal à Montréal. Et leur idée, c'est d'essayer de convaincre les Canadiens français de se joindre aux Américains. Ça ne fonctionnera pas, il y aura très peu d'écho. Et en fait, l'occupation militaire de Montréal va être assez mal perçue par les habitants. Il y aura certaines exactions envers ceux qu'on juge loyalistes. Et surtout, l'armée américaine paie tout ce qu'elle consomme en papier dette et non pas en monnaie réelle. Oui. Et les habitants vont s'impatienter contre ça. Et donc, en réalité, Benjamin Franklin ne réussira pas sa mission de convaincre les Canadiens français. Et en plus de la défaite à Québec, une bataille le 31 décembre en pleine tempête de neige, les Américains n'y arrivent pas. Ils devront donc finalement abandonner. Ce sera la seule invasion, les seuls combats qui aura eu là, sur le sol de la province de Québec. On a parlé déjà de l'armée continentale, d'un des grands mythes autour de cette guerre d'indépendance qui veut, du côté américain, qu'on ait dominé militairement les Britanniques. Ce n'est pas tout à fait le cas. Avant de s'attaquer au déroulement de la guerre comme telle, observons peut-être les forces en présence. Parlons de l'armée continentale, parlons des troupes britanniques. On parle de combien de monde? Comment se comparent, au fond, ces deux armées? Bien, évidemment, l'armée britannique arrive avec sa réputation. Hein. On pourrait dire que c'est l'armée la plus puissante du monde, qui est formée de soldats de métier, disciplinés, entraînés, généralement bien équipés. Et il y a aussi des mercenaires allemands, d'ailleurs, qui ne parlent pas anglais. Ça n'aidera pas la cause des Britanniques. Et il y a des généraux expérimentés et surtout une flotte navale, ce que oui. Les Américains n'ont pas. Et donc, évidemment, l'armée continentale, face à cette armée, fait piètre figure. Washington est choisi pour être le commandant. C'est un personnage qui est déjà bien connu puisqu'il a participé au French and Indian War. Il est un peu un héros de cette guerre-là. Et il va en prendre le commandement. Mais c'est une armée qui est basée sur les volontaires qui sont mal équipés et qui s'engagent pour une période de 6 mois à la fois. Et donc, c'est une armée dont les effectifs vont varier continuellement durant la guerre et qui aura de la misère à avoir une certaine stabilité. D'autant plus que l'appui à la guerre varie aussi au fil du temps. On pense qu'au départ de la guerre, il y a peut-être en 30 et 40 % de patriotes convaincus qui vont s'engager. Ce chiffre va varier selon les régions, selon le temps, mais ce n'est pas l'ensemble de la population. Donc, l'armée continentale, vraiment, a certaines failles assez importantes et n'a pas de marine de guerre non plus. Oui. Donc, déséquilibre assez flagrant quand on compare les deux armées. Ça va se refléter assez vite. L'avantage britannique, on va le voir sur le terrain, dans la première période. Parce qu'il y a comme deux grandes périodes à cette guerre, Mylène Desautels. La période qui précède l'entrée de la France dans le jeu et la période qui la suit. Comment se passe la première période? Bien, en fait, ça ne va pas si bien que ça pour l'armée continentale. Il y a quand même quelques petites victoires qui sont très importantes au niveau psychologique, hein, qui encouragent les troupes continentales. Mais d'abord, l'armée doit vaincre un ennemi qui est un ennemi intérieur, une épidémie de variole. La variole qui tue énormément de personnes et qui affecte plus les troupes américaines que britanniques. Et donc, George Washington va prendre une décision très audacieuse. Il va lancer une politique d'inoculation. Donc, on n'est pas encore à la vaccination, c'est pas inventé, mais on comprend que de contracter la maladie nous protège pour la suite. Ouais. Et donc, il va faire cette campagne-là, doit convaincre l'armée d'accepter ça. Les soldats, donc, qui ne voulaient pas pas s'enrôler, non seulement pour pas se battre contre les Britanniques, mais pour pas attraper la variole. Et cette campagne qu'on dit que c'est la première campagne de santé publique va avoir un succès au niveau de la mortalité qui va diminuer grandement vers 77-78. La variole n'est vraiment plus un danger aussi important pour l'armée américaine, mais surtout psychologique. Ça va redonner confiance donc en l'armée américaine. Mais malgré ça, dans les grandes batailles, c'est plutôt les Britanniques qui ont le dessus. Et il y a quelques victoires plus mineures, disons, qui vont avoir un impact important au niveau psychologique, et notamment en 1777, une victoire à Saratoga. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un peu ce qui va convaincre la France d'embarquer aux côtés de ces Américains qui, ma foi, vont peut-être pouvoir gagner contre les Britanniques. Et déjà, Benjamin Franklin, le même qu'on a dépêché en France après qu'il soit venu à Montréal, lui travaille pour négocier cette alliance-là. Et suite à cette victoire-là, il va y avoir... la France va décider d'embarquer dans la guerre aux côtés des Américains, fournir des navires, fournir des soldats et fournir surtout du matériel. On estime, bon, le chiffre, je ne sais pas comment on a calculé ça, mais on dit à peu près 78 % des balles tirées par les Américains sont en fait françaises. Oui. Et ça va être déterminant. À partir du moment où la France appuie l'armée continentale, la vapeur se renverse. Là. On commence sur le terrain, il y a des gains importants, puis il y a surtout une dynamique qui change. Oui, et même l'Angleterre change un peu de stratégie. Elle était la première partie de la guerre. Les batailles sont surtout dans le nord-est américain. Nord-est américain très, très indépendantiste. C'est là que le sentiment est le plus fort, notamment au Massachusetts. Et l'armée britannique a de la misère là, à contrôler, surtout en dehors des villes. Malgré ses victoires militaires, elle n'arrive pas réellement à écraser donc, l'armée continentale. Et va changer sa stratégie pour s'en aller davantage dans le sud. Va jouer d'ailleurs sur la question de l'esclavage. Va promettre la liberté aux Noirs qui se rendent à l'armée britannique et participer à cet effort de guerre-là. Et donc, dans le sud, dans un premier temps, l'armée britannique emporte plusieurs batailles importantes et même joue sur les tensions sociales du sud, non seulement avec les Noirs qui sont pris dans le système esclavagiste, mais aussi entre le peuple et les élites. On va jouer sur ce tableau-là. Mais malgré ces quelques victoires de l'armée britannique dans le sud, ils n'arrivent pas encore une fois à réellement écraser les armées continentales. Et l'armée continentale va réussir à tirer son épingle du jeu en obtenant une victoire, ma foi, assez spectaculaire contre l'armée britannique en faisant des milliers de soldats prisonniers. C'est la fameuse bataille de Yorktown. Ouais. Et à partir de ce moment-là, puis on boucle déjà la boucle, Mylène Desautels, mais il y a cette victoire importante de Yorktown, il y a une dynamique qui est renversée, il y a une lassitude à Londres et c'est le début de la fin. Là. C'est la victoire de l'indépendance qui attend les Américains finalement. Effectivement. Puis à Londres, en fait, il y a des élections. Il y a le parti Whig qui est élu et qui est en fait très peu chaud à la guerre. Oui. Pour lui, c'est le parti des marchands anglais. La business n'est pas bonne avec une guerre comme ça. Les échanges commerciaux sont en chute libre. Les boycotts ont déjà fait mal avant la guerre. Et en fait, on fait pression pour faire cesser la guerre. Et donc, c'est sûr que cette victoire militaire de Yorktown pour les Américains, c'est un peu le symbole de cette victoire-là. Mais l'armée britannique a encore du fond, aurait pu continuer encore à poursuivre cette guerre-là. Mais à Londres, il y a un lobby très fort qui vient surtout des milieux économiques qui souhaitent faire cesser la guerre. Et tout de suite après la bataille de Yorktown, où d'ailleurs les Français ont joué un rôle capital, on dit même qu'il y a plus de soldats français que d'Américains si on compte la marine française aussi. Après cette bataille-là, on décide d'entamer des négociations qui vont mener là, en 1783 au traité de Paris. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Gros dans la région de Montréal, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur la nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.